C'est une magnifique conclusion, merci Nicolas. Alors attendez quand même avant de tous vous lever. Nous tenons tout d'abord à remercier chaleureusement nos invités de ce soir. Nous tenons ensuite chaleureusement encore à remercier la BNF pour son accueil dans cette salle des commissions qui a été un lieu co-organisation. Tu as raison, pardon, excuse-moi, alors là je vais me faire maudire. Tu vas avoir tout le pot pour me maudire. Donc, mais quand même, enfin... Voilà, la BNF, de fait, nous accueille quand même, même si c'est une coproduction de séminaire, comme tu dis. On tient à remercier Luc Verrier d'avoir enregistré au niveau sonore le séminaire toute cette année. Marguerite Vapereau aussi, derrière la caméra, épaulée certains jours par Stéphane Gérard, pour les tournages, donc merci. Et enfin, évidemment, à vous toutes et à vous tous pour votre présence active, chaleureuse. On a du mal souvent même à se quitter. Et on vous rassure, donc le séminaire se poursuit, quelques dates, quelques renseignements sur l'an prochain. Donc le séminaire se poursuit bien l'année prochaine, le lundi soir, en articulation avec les conférences vidéo et après du Centre Pompidou. Donc on se met d'accord cette année, on va en parler avec précision pour évidemment qu'il n'y ait aucune date qui se chevauche. D'ailleurs, je signale en revanche déjà deux dates fixées pour les conférences vidéo et après au Centre Pompidou. C'est le 18 novembre et le 2 décembre. Le 18 novembre, Anne-Marie Duguay donnera une conférence au centre. Et le 2 décembre, en l'occurrence, ben, moi-même, autour de Carole Roussopoulos. Et je reparlerai, Patrick, avec vous avant. Et pour la thématique, alors si, autre rendez-vous, la date, elle va être définitivement fixée sous peu, mais normalement, ça devrait être le 12 et le 13 novembre. Le fameux colloque « Images de libre, création en lutte » va se tenir à la Maison des Métallos avec la BNF et Paris 8 et le Labex. Quoi ? Très probablement, la Maison des Métallos, c'est sûr, la date, c'était très sûr. Bon, je m'avance un peu, mais tout ça sera confirmé. La thématique pour l'année prochaine, elle va être également à préciser. Quelques pistes, toutefois, que nous avons envisagées. On a envie, mais ce sera en discussion lors notamment du verre qui va suivre maintenant. On avait envie de prolonger et d'approfondir nos réflexions autour de l'articulation entre vidéo, pratique et usage politique des images, mais en nous intéressant à un nouvel angle, après nous être penchés sur les collectifs et groupes vidéo, dont l'histoire méritera toutefois d'être encore écrite, on avait donc envie de s'intéresser plus particulièrement à une question qui est celle de la confrontation entre la revendication d'autonomie économique, technologique, politique, une revendication qui est lancée par des militants et des militantes et au-delà par nombre de praticiens et de praticiennes de la vidéo, et d'autre part, les relations établies de fait avec les institutions disposant de matériel vidéo, pouvant prêter ce matériel, éventuellement aussi financer des productions, qu'il s'agisse d'écoles, d'universités, de maisons de la culture, de MJC, d'hôpitaux, de milieux psychiatriques, de prison absolument. Et évidemment, on pense aussi à l'INA, à la télévision et même à une institution patrimoniale comme la Bibliothèque nationale de France, n'est-ce pas, qui est chargée du dépôt légal depuis 1977 et contre lequel, dépôt légal contre lequel vous avez été nombreux, le Centre Pompidou, bien sûr. Bien sûr. Bon, voilà, vous avez compris, toutes sortes d'institutions. Absolument. Le programme, je donne l'adresse après quand même de là où on va se retrouver. Hein. Le programme de l'an prochain... ce sera toujours un programme conçu avec des acteurs et des actrices, des témoins de la vidéo des premiers temps, mais aussi avec des chercheurs et des chercheuses. Ce sera de nouveau donc l'occasion de recueillir de nouvelles sources orales, puisqu'on manque cruellement de sources pour écrire cette histoire. Et ce sera l'occasion, vous l'avez compris, d'évoquer des lieux et des circuits de production et de diffusion de la vidéo légère, et de s'interroger sur le devenir aussi des collectifs de vidéos militantes, la question du passage éventuel à la télé, etc. Deux derniers points pendant que Alain range tout le matériel. L'appel à dépôt et don de bandes vidéo, d'archives écrites et de matériel autour de la vidéo des premiers temps, donc auprès du département de l'audiovisuel de la BNF, se poursuit. Donc le contact, c'est celui d'Alain Caroux. Donc Alain Caroux, vous pouvez le contacter par mail, vous l'avez de toute façon sur, puisque vous êtes inscrit sur la mailing, dans les, voilà, c'est alain.caroux@bnf.fr. Voilà une. Et quelle efficacité. C'est un peu comme ça depuis le début du séminaire. C'est formidable. Mais celui-là, on l'a déjà, l'autre, je l'ai même à la maison. La suite. Attends, moi je vais regarder. Non, la suite. Ah, c'est la suite. Oui, la suite. Deux. La suite. Ah, la fin. Le retour. Alors, ce qu'on vous propose tout simplement maintenant de faire, c'est de se retrouver autour d'un verre amical qui malheureusement ne peut pas se tenir sur place. Vous avez compris, là, on doit vraiment sortir. On va se retrouver, bon, on va y aller en groupe en fait, hein, ça va être plus simple, mais je vous donne quand même l'adresse au cas où certains auraient une chose ou deux à faire avant. On se retrouve à proximité des Halles, donc ça a moins de 10 minutes à pied, à La Fresque, ça s'appelle donc La Fresque, c'est au 100 rue Rambuteau, dans la salle qui est située en sous-sol. Désolée pour les claustrophobes dont je suis. Mais on aura quand même un moment chaleureux qui nous fera oublier qu'on est dans une cave. À tout de suite, on part en groupe.